Section 10 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 2. La guerre de 100 ans. Première partie. 1328-1380. Troisième sous-partie. Guerres et gouvernements de Charles V. Suite. Par Alfred Coville. Caractère de Charles V. Le roi qui a conduit toute cette guerre est un vrai roi. C'est presque déjà un souverain moderne. Depuis le temps de sa régence, son esprit a mûri, ses qualités ont grandi. Son intelligence est forte et lucide, tout à fait royale. Pourtant, le corps est chaque jour plus débile, si débile qu'on racontait des histoires d'empoisonnement pour expliquer cette faiblesse. En dépit des souffrances, Charles conservait la même modération dans l'esprit, le même calme sur son visage amaigri et pâle. Sa physionomie et sa façon étaient sages, attrempées et rassises à toute heure, en tous états et en tout mouvement. Il parlait bien, facilement. Cet aspect froid n'excluait pas les sentiments délicats du cœur. Il savait être affectueux, il était naturellement bon et généreux. Il y a encore chez lui comme un reflet de Louis IX. Comme le saint roi, il était pieux, plein d'une dévotion sincère et éclairée. Chacun an, il lisait, par manière d'oraison, la Bible tout entière, et ainsi le fit 15 ou 16 ans sans faillir. Rien ne pouvait le distraire de ses devoirs religieux. Comme saint Louis encore, il avait la plus haute idée des devoirs d'un roi, et il en parlait avec cette grave sérénité d'esprit qui le caractérisait, disant qu'aux honorés princes français, pour la blancheur de leur glorieux être, apparaît petite tâche, si en eux est plus que très grande autre part ne ferait. Et cette gravité, ce sérieux, qui faisait comme le fond de son intelligence, il cherchait encore à les développer par une grande culture. Il aimait les livres de morale, de philosophie ou de science, passant de longues heures à les méditer. Plusieurs manuscrits, dont il préférait sans doute la lecture, portent encore aujourd'hui sa signature. Des miniatures nous le montrent, se promenant à cheval dans les environs du château de Vincennes, ayant à sa droite, à cheval comme lui, 4 personnages coiffés du bonnet de docteur, avec les manches doctorales en pourpre et la robe couleur d'azur. C'est un fait bien particulier et nouveau que ce souci, qui fut si grand chez lui, de mettre son intelligence et son savoir à la hauteur de sa mission, de se donner une sorte d'érudition politique et économique. Tout ce qu'était ce roi, si grand par l'esprit, si supérieur en son temps, apparaît dans ses habitudes quotidiennes. C'était toute une existence de travail, de méditation sérieuse, de progrès intellectuel, passé en conseil, en promenade peu fatigante, en doctes conversations que rien n'interrompait. Certes, une telle vie n'avait rien de chevaleresque, si différente qu'elle était de la vie d'un Philippe de Valois ou d'un Jean le Bon. Christine de Pisan s'efforce cependant d'en faire le modèle de la chevalerie, tant elle était digne et belle. Charles V s'efforça toujours de paraître dans le cadre qui convenait à sa puissance. On n'en peut trouver de meilleure preuve que dans l'inventaire de ses joyaux que fit faire Charles VI et qui nous a été conservé. On y voit des joyaux d'église, des chapelles entières, 47 couronnes royales, la description de la plus belle remplit tout un folio, une merveilleuse vaisselle, 7 douzaines de plats d'or, etc. Pour abriter ce luxe vraiment royal, le roi fit faire de grands travaux à ses hôtels et châteaux. Tout devait être en harmonie. La grande création fut l'hôtel Saint-Paul, à l'est de Paris, qui devait abriter la royauté jusqu'au règne de Louis XI. Une 10aine d'hôtels divers le formèrent. Aussi était-il moins un palais qu'un quartier, avec 6 préaux, 12 galeries, 7 grands jardins, une foule de cours. Le roi donna encore à la royauté une résidence digne d'elle, au Louvre, qui fut rebâtie et ornée de magnifiques sculptures. On y voyait un curieux escalier, la tour de la librairie, avec l'étude du roi. Charles V était né à Vincennes, il ne l'oublia pas. Un château s'y éleva, avec donjon et chapelle. C'était le lieu de repos. Plus loin, tout près de la Marne, au bord d'une charmante fontaine, une maison de plaisance donna encore une retraite plus tranquille. Ce fut le château de Beauté, où devait mourir le roi. Le gouvernement de Charles V. Si haute que fût son intelligence, si consciencieux que fût son zèle, Charles V ne prétendit pas gouverner à lui tout seul. On ne peut croire que le roi eût confiance dans les grandes réunions des États généraux. Il les avait vus à l'œuvre en 1356 et en 1357, avec leurs confusions, leurs exigences. Charles V ne convoqua les États généraux que lorsqu'il s'agit de préparer la guerre contre l'Angleterre et de la déclarer, car alors il voulait associer le royaume tout entier à l'œuvre qu'il comptait entreprendre. C'est le cas des assemblées de Compiègne, de Chartres et de Senlis en 1367, de celles de Rouen et de Paris en 1369. Elles furent du reste insignifiantes quant aux délibérations. Au reste, quand la guerre fut commencée, les États généraux disparurent. S'il n'aimait guère la collaboration souvent gênante des États, Charles V consultait volontiers les hommes compétents en chaque matière. Il gouvernait non avec les États, mais avec les notabilités. C'est un moyen nouveau de gouvernement que ces grands conseils, très différents du conseil royal ordinaire, et que le roi réunit dans toutes les circonstances graves. Ils étaient toujours nombreux, recrutés partout où pouvaient se trouver des gens intelligents et expérimentés, aussi bien dans la bourgeoisie de quelques grandes villes, comme Paris et Rouen, ou dans l'université, que dans la haute noblesse, ainsi que le disent les ordonnances, tant des seigneurs de notre sang, comme prélats, nobles, clercs, maîtres en théologie et en décret, et grand nombre d'autres sages. L'ordonnance de 1375 sur la majorité des rois est promulguée devant une telle assemblée. Un des faits les plus curieux est l'élection d'un chancelier de France en 1372. Le conseil est composé d'au moins 200 personnes. Guillaume de Dormance y est élu par un véritable scrutin. L'année suivante, les mêmes formes sont observées pour une nouvelle élection du chancelier et l'élection du premier président du Parlement. C'est là le trait le plus caractéristique du gouvernement de Charles V. Le régime financier. En général, Charles V n'a pas renouvelé les institutions traditionnelles de la royauté. En remettant tout à sa place après les grandes crises du règne précédent, il a seulement contribué à les consolider. Au contraire, ayant à préparer et à soutenir la guerre, il a donné à l'administration financière et militaire un développement et une ampleur inconnues jusqu'alors. L'édifice financier constitué par Charles V se divise en deux grandes sections. Le domaine, formant les ressources anciennes et régulières de la royauté, les fouages et aides, ou ressources nouvelles et extraordinaires, auxquelles s'ajoutent quelques expédients financiers déjà connus, comme emprunts, décimes, monnaies, etc. Ces deux catégories existaient déjà auparavant, mais seulement par circonstance et d'une manière temporaire. Elles sont désormais établies à demeure, fondées chacune sur une administration à part, également permanente. C'est désormais tout un système. Les aides ont fourni à Charles V la plus grande partie des ressources nécessaires à 10 années de guerre. Le trait essentiel de leur établissement, c'est qu'elles deviennent un fait ordinaire, c'est qu'au lieu d'être accordées au jour le jour par les États ou simplement levées par l'autorité royale au fur et à mesure de ses besoins, elles sont constituées une fois pour toutes, à la faveur de la guerre, et perçues comme une sorte d'impôt régulier. Ce fut fait très habilement, avec le concours des États au début, finalement à leurs dépens. La rançon du roi Jean, qui était une véritable aide féodale et n'avait nullement besoin d'octroi, servit comme de transition. Par l'ordonnance du 25 décembre 1360, avait été établie une imposition sur les ventes en général, les breuvages en particulier, plus une gabelle qui devait durer 6 ans, jusqu'au complet paiement de cette rançon. C'était tout autre chose que les subsides annuels levés jusqu'alors. Aux États de décembre 1363, à Amiens, au moment où le roi Jean, retournant à Londres, abandonnait définitivement le pouvoir au dauphin Charles, une autre taxe fut acceptée. Elle était directe et portait sur chaque feu ou foyer, d'où lui vint le nom de fouage. Elle ne se substituait pas à l'imposition indirecte de 1360, mais lui était parallèle. Enfin, ce qui est capital, elle était octroyée sans limite de temps, aussi longtemps qu'il serait besoin. Tel est le principe. Deux formes d'aide sont établies à demeure. Elles dureront autant que les besoins. Les choses ne changèrent pas aux assemblées de Compiègne et de Sens en 1367. Le roi y déclara qu'il lui était nécessaire de maintenir les impositions courantes. Il accepta seulement de faire quelques améliorations de détail à la perception. Mais si sûr que fut Charles V de son pouvoir, si habile qu'ait été jusque-là sa politique financière, il n'osa commencer la guerre avec l'Angleterre sans prendre de nouvelles garanties. Des impositions solides et abondantes lui étaient nécessaires. Il réunit les États généraux à Rouen au début d'août 1369. Contre son attente, ses requêtes y rencontrèrent une opposition très ferme. Mais le roi fut le plus fort. Il ordonna de lever toute une série d'impositions nouvelles. Il invoqua même un consentement des États qui ne lui avait point été accordé. Puis, toujours tenace dans ses idées, il convoqua de nouveau les États à Paris en décembre. Ils revinrent sans doute assouplis et domptés. C'est avec leur adhésion que le plan financier du roi est désormais appliqué. L'imposition indirecte sur les marchandises sera levée tant qu'il sera nécessaire pour la rançon du roi Jean. Une imposition du 13e pour le gros, du quart pour le détail, frappe les vins et breuvages. Ce sont les aides. D'autre part, chaque feu paiera 6 francs d'or par an dans les villes, 2 francs dans les campagnes. Ce sont les fouages. Aucune limite de temps ne restreint la perception de ce double impôt. Tout est organisé pour durer et tout durera. En fait, les choses restèrent ainsi jusqu'à la fin du règne. Les ressources étant régulières, il s'ensuit nécessairement une administration régulière. Les éléments de cette administration ne furent pas créés par Charles V. Il n'eut qu'à les emprunter aux grandes ordonnances imposées par les États au règne précédent. Ces assemblées, ayant obtenu de gouverner elles-mêmes les subsides qu'elles accordaient, avaient dû créer toute une organisation. Il n'y eut qu'à appliquer cette organisation aux aides royales, ce qui fut fait, à travers tout le règne, par une série d'ordonnances très détaillées. À tous les degrés, le principe de la séparation de l'assiette et de la recette semble reconnu et appliqué. Dans les diocèses, les élus, avec leurs clercs contrôleurs, faisaient l'assiette des fouages, affermaient les aides, exerçait une juridiction pour tous les procès qui faisaient naître les impôts royaux. Les receveurs touchaient les recettes levées par les collecteurs pour les fouages, les fermes pour les aides, tenaient des comptes minutieux et payaient les assignations ou versaient leurs fonds aux caisses royales. Au centre étaient les généraux conseillers et un receveur général, tels que les avaient établis les États de 1355 et 1357, mais nommés par le roi. Les généraux conseillers avaient toute l'administration des aides. Leur réunion, depuis 1369, constituait, selon l'expression des ordonnances, une chambre, première forme de la cour des aides. Ils avaient encore toute la haute juridiction de l'aide. C'étaient de très hauts et puissants personnages en qui le roi avait placé toute sa confiance. Les recettes confluaient toutes aux mains du receveur général qui encaissait, comptait et payait les mandats des généraux. Les fouages étaient levés directement sur les contribuables, comme notre impôt direct. Les taxes indirectes sur la vente des marchandises et les breuvages étaient affermées à des fermiers, qui percevaient alors risques et périls. Une administration spéciale était proposée à la gabelle. Tout marchand de sel devait mener et déposer sa marchandise au grenier royal, à la tête duquel était un grainetier et un contrôleur. Ces agents surveillaient simplement la vente en gros, qui ne pouvait se faire ailleurs, et levaient le droit du roi, en détail, le sel était vendu exclusivement par les marchands autorisés, les régratiers. Ce ne sont là que les contours essentiels, nettement arrêtés par les ordonnances, règlements et instructions du temps de Charles V. On peut y reconnaître déjà tous les traits de l'administration financière dont jouira la monarchie pendant plusieurs siècles. À côté des aides, le domaine, tout en conservant son aspect ancien, a fait, lui aussi, dans son administration, des progrès considérables. Des receveurs sont spécialement proposés à la recette, tandis que les prévôts ne gardent que l'administration, la police et la justice. Les administrateurs généraux sont les trois trésoriers dont Charles V fixe très précisément les attributions. Ils président à la recette comme à la dépense des revenus domaniaux. Ils sont surveillés par des membres du conseil. Un seul d'entre eux se tient au trésor, les deux autres chevauchent à travers le domaine pour en constater l'état. Le changeur du trésor est leur caissier, et le clerc du roi au trésor tient les comptes. Même progrès pour les eaux et forêts, dont tout le personnel est organisé par les grandes ordonnances de Charles V. Même progrès encore pour l'administration monétaire avec la Chambre des maîtres, pourvue de droits, de contrôle et de justice sur toute la monnaie du royaume. Par-dessus toutes les finances, régnait la Chambre des comptes, comme le Parlement sur la justice. Il n'est rien qui lui échappe. Elle est représentée au Conseil du roi, elle prépare les règlements et ordonnances, elle enregistre les lettres royales. Elle contrôle l'administration du domaine, reçoit les serments des officiers, intervient dans les aveux et dénombrements, amortissements, anoblissements, etc. Elle vérifie les comptes de toutes les administrations, depuis l'hôtel du roi jusqu'au moindre receveur, pour les aides comme pour le domaine. Pour une si lourde besogne, elle a un souverain ou président, des maîtres clercs et laïcs, des clercs. Les maîtres des comptes étaient en tête de la hiérarchie administrative. Leurs offices étaient très enviés et récompensaient d'ordinaire de longs et grands services. La chambre était installée au palais, auprès du Parlement. Son travail fut soigneusement organisé par plusieurs ordonnances très précises. Au fond, née du pouvoir royal, elle représente son principal contrôle. Elle défend le domaine et ses revenus, même contre le roi. Elle avait une certaine armoire derrière une porte où elle mettait les chartes refusées. L'armée royale. Ses finances étaient destinées avant tout à donner une bonne armée. Les circonstances amenèrent, en effet, le pacifique et peu chevaleresque Charles V à être un grand organisateur militaire. Ici encore, il y a peu de nouveaux, mais les éléments du passé sont habilement coordonnés et combinés. Tout d'abord, le pouvoir militaire du roi est désormais établi sans limite. Le point de départ de tout, c'est que le roi paye les seigneurs pour tout service de guerre, même pour garder leurs terres, pour réparer et défendre leurs châteaux. Or, qui se laisse payer, se laisse commander. Charles V n'a garde de négliger l'occasion. Il fait visiter, réparer, garnir les châteaux, raser ceux qui sont inutiles à la défense et peuvent être utiles aux ennemis. Il installe des capitaines à lui s'il le juge bon. Ses représentants en tournée d'inspection ont les plus grands pouvoirs. Aucun privilège, aucune exemption ne doit les arrêter. Dans ces conditions, comment se recrute l'armée? Ces éléments sont encore fort disparates. Le contingent féodal, fourni comme devoir de fief, n'a pas disparu. Il figure dans plusieurs circonstances importantes, par exemple au siège de Saint-Sauveur. Mais il est infiniment peu de choses et, avec les formes nouvelles de la guerre, il ne pouvait être davantage. L'arrière-ban, ou levée en masse, est rarement utilisé. C'est une mesure extrême, difficile à appliquer parce qu'aucune organisation prévue n'y répond. Les villes entretenaient chez elles des compagnies d'arbalétriers et d'archers que le gouvernement royal encourageait et réglementait. On voit encore dans les armées du roi des corps d'Italiens et d'Allemands engagés pour la guerre. Mais contingents féodales, arrière-ban local, compagnies urbaines, bandes étrangères, ce ne sont là que des éléments secondaires. La force principale de l'armée venait par engagement. Au milieu de la guerre de Cent Ans, la noblesse était comme mobilisée en permanence, prête à servir au gage du roi. Les seigneurs se réunissaient par troupes, équipés et armés, sous le commandement d'un puissant baron, portant bannière, d'un banneret ou même d'un simple bachelier. Ils s'entouraient d'écuyers et d'archers à cheval ou à pied. C'était une compagnie. Le chef ou capitaine engageait la compagnie au nom du roi. Les maréchaux ou leurs délégués la passaient à montre, recevaient ou refusaient les hommes, les chevaux ou les équipements. Le roi retenait lui-même les princes. Pour la défense locale, c'étaient les lieutenants du roi ou capitaines généraux qui engageait les compagnies. À plusieurs reprises, il y eut tentative pour répartir ces compagnies en routes ou corps réguliers, composés d'un nombre fixe d'hommes d'armes, avec un capitaine particulier. On comprend aisément ce qu'un tel régime avait encore de défectueux, ce qu'il exigeait de surveillance. Les compagnies étaient plus ou moins réellement engagées, nées spontanément, elles guerroyaient souvent pour leur propre compte. Souvent aussi, présentées à la montre avec un brillant effectif, un bel équipement, elles fondaient aussitôt après, et on n'y trouvait que peu d'hommes et quelques chevaux misérables. C'étaient déjà les fausses postes, les passes volants. Aussi, Charles V dut-il faire de longs et minutieux règlements. Celui du 13 janvier 1374 est le principal. Il n'y avait de réellement permanent que certains offices généraux, comme ceux du connétable, des deux maréchaux, du maître des arbalétriers qui commandait les hommes de pied et s'occupait de l'artillerie. Les pouvoirs militaires les plus effectifs étaient aux mains des lieutenants du roi, établis sur un certain territoire, avec charge d'y commander les troupes royales et de diriger les opérations d'attaque ou de défense. Ce furent surtout eux qui conduisirent cette guerre de Charles V, si prudente et si efficace. Enfin, la comptabilité de l'armée était organisée à part, confiée aux mains des trésoriers des guerres, dont l'importance avait beaucoup grandi pendant la guerre anglaise. L'artillerie. Des engins nouveaux étaient venus renforcer les armées du XIVe siècle et modifier un art militaire encore trop étroitement inspiré de Végès. C'est l'artillerie à feu, ce sont les canons à poudre. Le mot artillerie désignait alors toute espèce d'engin de guerre, des viretons ou des carreaux, aussi bien que des bouches à feu. L'artillerie à feu est déjà connue en France en 1338. À cette date, la flotte du Quirette, attaquant Southampton, avait des armes à feu. En 1339, on fit à Cambrai, pour la défense de la ville, 10 canons et de la poudre composée de salpêtre, de soufre et de charbon. Ces armes se répandirent assez vite. L'artillerie à feu n'eut qu'un rôle effacé à la bataille de Crécy. Elle ne servait guère alors qu'à la défense des places fortes. Un nouveau progrès fut de donner de plus grandes dimensions aux canons et de rendre leur usage plus facile. C'est surtout dans la guerre reprise en 1369 qu'on voit une véritable artillerie. Les renseignements les plus précis et les plus intéressants nous sont fournis par les comptes de Yvon Huart, receveur à Caen, chargé d'acquitter toutes les dépenses du siège de Saint-Sauveur en 1375. On y voit qu'on transporta devant Saint-Sauveur de gros canons qui étaient à Paris et pour lesquels on acheta, en mars 1375, 200 livres de poudre. De plus, Jean de Vienne s'assura les services de Gérard de Figeac, qui s'engagea à faire certains canons jetant pierre. En effet, le 9 mars 1375, fut achevée à Saint-Lô une grosse pièce jetant 100 livres pesants. Ces faits prouvent combien les officiers du roi se souciaient d'utiliser les moyens nouveaux d'attaque et de défense qui pouvaient être à leur disposition. La marine royale. Il ne fut pas fait moins pour la marine. Charles V en comprit toute l'utilité dans une guerre contre l'Angleterre. Lorsque les hostilités furent sur le point de reprendre, il fit autant de préparatifs sur mer que sur terre. Lui-même vint à Rouen au printemps 1369 pour surveiller les armements. Il s'efforça de constituer comme un noyau permanent de marine royale qu'il n'y aurait plus qu'à augmenter par des réquisitions de navires marchands. Ce furent de grosses barges, construites et armées spécialement, du port de 300 tonnes environ. Les constructions furent faites au clos des Galets, de Rouen, pourvues et disposées comme un véritable arsenal. La flotte, ainsi que tous les services maritimes, étaient sous les ordres d'un amiral et de deux vice-amiraux de la mer. Les navires étaient commandés par des capitaines et des maîtres de manœuvre. Le garde du clos des Galets de Rouen dirigeait les constructions et les approvisionnements. La diplomatie royale. La guerre continue contre l'Angleterre a également donné une activité et une régularité nouvelles à la diplomatie du roi. Par là encore, le gouvernement de Charles V se rapproche de la monarchie des temps modernes. Les pièces de comptabilité nous font connaître toutes les missions politiques envoyées par Charles V et les noms des ambassadeurs, pris à la fois dans le clergé, parmi les hauts seigneurs qui entourent le roi et ses principaux officiers. Les unes sont honorifiques et vont porter les félicitations royales. D'autres concluent solennellement les traités, les alliances, les mariages. D'autres enfin poursuivent de délicates négociations. Elles sont envoyées pour les secrètes besognes. Parmi les événements qui donnèrent ainsi lieu à de graves pourparlers, il faut compter le voyage de l'empereur Charles IV à Paris. La maison de Luxembourg était depuis de longues années unie aux Valois par les liens du sang, grâce à 4 mariages successifs. Jean de Bohême vécut sans cesse à la cour de France. Il combat et meurt à Crécy. Son fils, Charles IV, vint à Paris à 4 ans en 1324 et y resta jusqu'en 1340. Lorsque ce prince eut été élu à l'Empire, les rapports avec les Valois devinrent plus cérémonieux et plus réservés. Jean le Bon et le Dauphin avaient en vain tenté une alliance effective. Les succès de Charles V, la disparition d'Édouard III, surtout le désir d'assurer à son fils Venceslav la couronne impériale, décidèrent l'empereur à un rapprochement manifeste. Il vint lui-même à Paris. Charles V lui fit la plus glorieuse réception qui se puisse imaginer. Le 4 janvier 1378, Charles IV fut reçu par le roi à la porte de Paris. Il resta 12 jours, visita les résidences royales, reçut l'université en grande solennité. L'empereur partit chargé de merveilleux cadeaux. Charles V n'avait pris aucun engagement compromettant et il avait obtenu un titre depuis longtemps envié par ses prédécesseurs, celui de vicaire impérial dans le royaume d'Arles, ce qui étendait son pouvoir sur la vallée du Rhône, le comté de Bourgogne, les comtés de Provence et de Fort-Calquier, et certaines terres du Piémont. Une autre affaire d'une plus grande portée encore occupa la diplomatie de Charles V dans les dernières années de son règne. Ce fut, lors du retour d'Urbain VI à Rome, le commencement du grand schisme d'Occident, 1378. Résolument, le roi de France soutint le pape français, Clément VII. Il le prôna, le recommanda à toute la chrétienté, donnant toutes sortes de raisons générales et touchantes, gardant pour lui la vraie. C'est qu'il lui en eût coûté beaucoup, comme influence et comme argent, de n'avoir plus son pape avignonnais. On a souvent reproché à Charles V d'avoir été fort mal inspiré dans une autre circonstance, grosse également de conséquences pour la royauté française. L'établissement de la maison de Bourgogne en Flandre. Il y a là un véritable oubli des circonstances politiques. Philippe le Hardi était le 4e fils de Jean le Bon, son fils préféré. Le dernier duc de la maison capétienne de Bourgogne, Philippe de Rouvres, étant mort sans héritier, le roi Jean ne réunit pas purement et simplement le duché à la couronne. Il envoya en juin 1363 son fils Philippe comme lieutenant général. Puis, en septembre, à la demande des États de Bourgogne, il le fit par apanage duc et souverain. Charles V confirma la donation et reçut l'hommage. Ce fut pour ce prince déjà très puissant que Charles V obtint l'héritage flamand. Louis de Mal, comte de Flandre, n'avait qu'une fille, Marguerite, unique héritière de ses biens, la Flandre, les comtés de Nevers et de Rethel, héritière également du Brabant. Elle était veuve de Philippe de Rouvres, le dernier duc de Bourgogne. La main de cette veuve fut vivement sollicitée. Louis de Mal sembla préférer un fils d'Édouard III, Edmond, comte de Cambridge. Toute la politique de Charles V consista à empêcher ce mariage désastreux. La Flandre aux mains des Anglais eût été une menace de mort pour le royaume de France. Le roi fit agir des deux côtés. D'abord, auprès du pape. À son instigation, Urbain V, par deux bulles, ordonna aux archevêques de Cantorbéry et de Cambrai d'interdire le mariage d'Edmond avec sa parente au troisième degré. D'autre part, par l'entremise de la comtesse Douairière, Charles V proposa Philippe le Hardi, son frère. Il n'y avait pas d'autre moyen d'éviter le mariage anglais. Louis de Mal restait hostile, et ce ne fut qu'à force de concessions que le roi parvint à le faire céder. Ce sont ces concessions qui ont déterminé les sévères jugements de quelques historiens. L'affaire fut longuement négociée d'avance par ambassadeur. Par le traité, le roi donnait au comte Lille, Douai, Orchy, plus 100 000 francs. Si le comte avait un enfant mâle, sa fille devait hériter seulement du comté de Bourgogne. Mais il faut ajouter que Charles V fit signer à son frère une convention secrète par laquelle il promettait, à la mort de Louis de Mal, de restituer les trois villes cédées. Ainsi, tout prouve que Charles V n'avait en vue qu'une chose, éviter le pire par un moindre mal. Dernières années de Charles V. La guerre avait langui en 1379. En 1380, elle allait reprendre toute son activité. Une grande descente des Anglais se préparait. Or, l'été de cette année vit disparaître à la fois le connétable et le roi de France. Le connétable, au début de la campagne, guerroyait en Normandie, confiné dans une guerre obscure et insignifiante. Au mois de mai, il fut envoyé en Languedoc comme lieutenant. Il traversa la France avec une troupe d'hommes d'armes. Dans les hautes vallées de la Margeride, il rencontra plusieurs postes occupés par les Anglais. Il s'arrêta devant Châteauneuf de Randon et l'assiégea. Il était fatigué, épuisé. C'est là qu'il mourut. La place se rendit. Avant ou après sa mort, on ne sait trop. 13 juillet. La légende devait bientôt s'emparer de cette belle vie si simplement terminée. Après le connétable, le roi. Charles V fut malade tout l'été. Il n'avait que 44 ans, mais son corps était définitivement usé si l'âme restait toujours lucide et vaillante. Christine de Pisan, dans le livre des fêtes et bonnes mœurs du roi, nous a laissé un récit détaillé et pathétique de cette fin royale. Le roi fut plusieurs jours dans les doutes de la mort. Il en profita pour ordonner toutes ses besognes. Il en avait grand besoin. Son fils aîné avait 13 ans. Il recommanda Clisson pour la connétablie, parla du schisme et des affaires de Bretagne. Ce roi si modéré et si positif dans sa politique mourut à la manière de Saint-Louis. Son dernier acte est significatif. Il donna l'ordre de supprimer les fouages qui grévaient depuis tant d'années son peuple. Des lettres furent rédigées à cet effet. Elles portent la date du jour de sa mort. Elles ne furent ni déchirées ni supprimées, mais bien et dûment envoyées et publiées dans le royaume. On a interprété de manière bien diverse ce dernier acte. Il était pratiquement dangereux, et il a contribué au désordre des premières années de Charles VI. Il fut au fond le triomphe de l'homme pieux et scrupuleux sur le roi, un retour de Moyen-Âge dans cette âme toute moderne. Fin de la section 10.